De parler de la chronique des Marquis de Jonquière de la Ligue nord-américaine de hockey. On va bifurquer parce qu'il y avait une conférence de presse également des voyageurs de Ville-Saguenay au baseball où on a annoncé le successeur de Robert Fatal et notre collaborateur Dominique Baudier qui est également le descripteur des matchs des voyageurs. Salut Dominique! Salut Dominique, on va commencer avec ça d'ailleurs. Martin Pouliot, moi je suis pas du tout la Ligue Baseball Elite du Québec, mais par contre, je lisais ce matin sur dans le quotidien, et ça semble vraiment un gars qui a quand même un très très bon curriculum vitae, hein? Oui, absolument, une belle feuille de route. Martin Pouliot qui a coaché avec Charlebourg, qui a joué comme receveur avec la formation de Charlebourg fin des années 80, et également dans les années 90, il a coaché les Alouettes. Il a remporté 5 championnats de séries éliminatoires consécutives de 95 à 99 pour ensuite aller à Québec. Par la suite, il a un petit peu lâché le junior. Il est allé du côté plus jeune pour coacher son fils. C'est un gars qui a également une bonne feuille de route côté hockey. Il était dépisteur pour les Capitals de Washington. C'est un gars qui voyage partout en Amérique du Nord. Donc, c'est un gars qui n'a jamais lâché le sport. Et lorsque Robert Fatal avait annoncé qu'il quittait l'automne passé, il a tout de suite appelé Robert pour dire que, regarde, si jamais tu cherches des candidats, je suis le premier intéressé. Puis évidemment, les voyageurs étaient très intéressés. Parce que ce qu'on a su dans la conférence de presse de ce matin, c'est que lorsqu'en 2008, on cherchait un nouvel entraîneur, on avait demandé à Martin Pouliot. Il n'était pas vraiment intéressé. Il a référé Robert Fatal et ce choix, ça s'est fait. OK. Bon, Martin Pouliot, ce que je peux voir également, c'est parce que ça prend un gérant qui a gagné, là, qui sait comment gagner. Parce que là, les voyageurs, tu me corriges, je me trompe, Dominique, l'an prochain, on vise vraiment avancer dans les séries, là. Oh, oui, exactement. C'est une équipe qui est en pleine ascension, c'est une équipe très jeune, qui est bourrée de talent. Il veut continuer dans cette lignée-là. Et comme il mentionnait, oui, c'est une équipe qui a connu du succès cette année, mais lors des 12 dernières années des voyageurs, seulement une fois, l'équipe a joué pour plus de 500. Donc lui, il veut remédier à la situation. Mais avec sa feuille de route, il y a également 9 médailles du côté des championnats canadiens. 4 d'or, 3 d'argent, 2 de bronze. Donc, c'est un gars qui, partout où il est allé, il a réussi à gagner. Mais comme il a dit, Aja Saguenay, étant donné que c'est une équipe qui remonte tranquillement, va pouvoir prôner de patience, mais je suis convaincu qu'il va pouvoir faire gagner une équipe. Audrey Tremblay également, les voyageurs ont un nouvel président. Oui, exactement. Il s'agit d'Audrey Tremblay, qui est dans l'organisation depuis déjà quelques années. Et là, cette année, elle a été nommée présidente, donc c'est une belle nomination pour elle. C'est pas une dame que je connais vraiment, mais qui était là ce matin. Puis elle a un beau défi à relever, mais elle est déjà impliquée dans l'organisation. Ça lui fait très plaisir. OK, on va parler de hockey maintenant. Il y avait un seul match pour les Marquis de Jonquière, mais ça avait commencé la semaine dernière avec une transaction qui avait amené Mathieu Brunel ainsi qu'Alex Bourin à Jonquière autour du défenseur Bruno Saint-Jacques. On sait que Bruno Saint-Jacques allait être échangé. Sauf que moi, Brunel, je connais plus Alex Bourin, puisque dans la Ligue de hockey junior du Québec, c'était un choix de première ronde. Je pense que c'était les Oilers de Edmonton, je m'abuse. Et par la suite, on l'a perdu de vue. Mais c'est un gars de talent, là. C'était un choix de première ronde, donc c'est sûrement un gars de talent. Oui, c'est sûr, Alex Bourret, c'est un gars de talent, il a été repêché en première ronde par les Trashers. Bon défenseur, capable de jouer en défense comme un joueur d'avant. D'abord, c'est un joueur d'avant dans le junior, mais capable de jouer en défensive dans la Ligue nord-américaine à Laval, jouer comme défenseur. Okay. Premier match que je jouais avec les Marquis, il était défenseur aussi. Non, c'est un bon gars. Il a connu sa part de problème en son temps de junior. Donc, il n'a jamais pu vraiment monter dans la Ligue nationale, mais c'est un gars qui, maintenant, tu peux faire confiance. Il est âgé de 29 ans, il a une bonne tête sur ses épaules. Il peut amener de grands services aux Marquis, ça c'est sûr et certain. Pour ce qui est de Mathieu Brunel, ben c'est un gars qui, ça fait quand même quelques années qui joue dans la Ligue nord-américaine. C'est un gars qui marque au moins 20 buts par année, grand coup de patin, une vision de jeu incroyable, tout un lancé. Donc, c'est sûr que ça peut amener juste du bien parce que, de toute façon, les Marquis se débarrassent d'un joueur qui ne jouait pas. Et tu vas chercher deux qui sont capables de jouer dans l'alignement, dans le top 6 des attaquants puis des défenseurs. OK. Victoire là, en fin de semaine dernière contre Sorel? Oui, exactement. Victoire de 5-2 vendredi, 3 buts d'Hugo Carpentier, le capitaine qui connaît encore un bon début de saison. Bon, fidèle à lui-même, c'est un fonceur. Il a connu tout un match. Également, bon match du troisième trio de Malouin. Jean-Simon Allard et Olivier Croteau. Croteau qui jouait son premier match de la saison, revenait d'une blessure. Donc, ben, évidemment, beau brio du gardien de Loïc Lacaze. Donc, c'est une belle victoire qui fait du bien. Puis lorsqu'on regarde le classement ce matin dans la Ligue nord-américaine, c'est là qu'on voit la super parité dans cette ligue-là. Il y a seulement 2 points qui séparent la première de la 7e place. Il y a seulement Cornwall qui est en dernière position, qui n'a pas gagné un match après 6 rencontres. Mais c'est ça qui est le fun, c'est que tout le monde peut battre tout le monde ou presque. Tu parles de Cornwall également, je sais pas, tu n'y as peut-être pas été encore, mais est-ce que je me rappelle l'année passée, ça avait été sauvé in extremis, je pense que c'était Bob Desjardins. C'est-tu Bob Desjardins qui était là, qui était là-bas? En tout cas, c'est une personne assez connue. C'était Bob Desjardins, effectivement. Oui, c'est Bob qui était là. Et là, comment ça va, Cornwall, cette année? Tu n'y as pas été encore, j'imagine, mais c'est un bon marché, ça, pour la Ligue nord-américaine. Tu essaies de trouver un bon propriétaire? Oui, mais c'est ça. Mais cette année, les nouveaux propriétaires, ça semble bien fonctionner avec l'équipe. Le problème, c'est que là, les performances sont pas là. Alors, pourtant, hors concours, ça fonctionnait bien. On a une nouvelle entente avec Taville qui permet à l'équipe d'avoir un peu plus de revenus dans l'aréna parce que dans les dernières années, tout ce qui était restaurant et vente de bière, ça allait directement aux juniors, aux coachs de Cornwall. Maintenant, on peut avoir un certain pourcentage. C'est sûr que ça va aider. Mais là, malheureusement, bon, un début de saison difficile, dans un aréna de 5000 places, on n'a même pas 1000 personnes dans l'aréna. C'est un peu plus difficile. OK. Ben, Bruno, Dominique, on se parle ce soir sur les ondes de CKG. Un beau sujet ce soir, la NBA à Montréal. Hier, on a parlé avec le promoteur, avec on va en parler sur les ondes de CKG. Voilà, donc Dominique Bolduc de CKG.